On n'en a rien à péter des modes. Rien. Tellement que c'en est dur de trouver les mots. Moi j'aime rien mais j'aimais bien l'été quand j'étais môme. J'ai pas le sang chaud, j'ai le sang froid comme si j'étais mort. Moi je fais partie des gens qui restent chez eux. J'essaie de comprendre les signes de celui qui dessine et dresse les cieux. Protège tes œufs, y'a rien à gratter. N'attends pas que la française des jeux te sèche les yeux. J'ai les poumons d'or sous mon torse, ouais. Pourquoi faire du rap conscient quand tout le monde dort? Allez tous balayer devant chez vous. Vous êtes dans la matrice, débranchez-vous. Les amatrices, déhanchez-vous. Et toi? Moi, je suis contrôleur. Loi, je pars loin quand je vois les contrôleurs. Ouais, déjà au taf, on trafiquait les sorties de caisse. Faut faire du chiffre, amène du shit. On voyage sans ticket. Je suis ce chic type anti-guerre qui chine plus qu'un antiquaire. Les samples sont digués, le flow semble impossible à endiguer. Ouais, t'as dit quoi? Le chemin n'est pas indiqué, mais mon syndicat, c'est dédicace et le son des caves. Je danse seul avec mes écouteurs en club. Je ne fais pas partie de ceux qui ont beaucoup d'heures en cœur. Mais y'a certains combats que je préfère mener seul. Et si tu m'endors, je ne vais pas fermer les yeux. Un jour on est en bas, le lendemain on s'élève. Trop de questionnements, mon âme est scellée. Phénoménal comme l'armée céleste. On va rendre nos ennemis célèbres. Un jour on est en bas, le lendemain on s'élève. Trop de questionnements, mon âme est scellée. Phénoménal comme l'armée céleste. On va rendre nos ennemis célèbres. On célèbre, on va rendre nos ennemis célèbres. On célèbre, on va rendre nos ennemis célèbres. On célèbre, on va rendre nos ennemis célèbres. Flingue du feu. On va rendre nos ennemis célèbres. À part les murs, personne protège mon dos. Et le malin envahit mon temple, ma tête, mon dôme. L'ennemi se trouve dehors et dedans, ouais. J'ai l'esprit et le corps pollué. Je vois que de la buée, des corps. Je pratique la danse des cordes vocales. Il s'agit de s'enrichir dans ces corps pauvres. On regarde mais on a la flemme de voir. Le navire coule et ils disent que c'est un problème de voile. Pour celle qui m'avait tué, je dépense, je t'ai fait stup. Celui qui veut que je sois est mort à l'état de fœtus. La vie un casino, laisse personne mélanger ton jeu de cartes. Y'a pas de jeton, je tape. Je dirais à mon fils, faut éviter le hall. Garde tes mains clean, paye-moi une tombe incline et je dois garder la tête haute. Soit tu dors au soleil, soit tu pionces à l'ombre. Je suis dans mon salon, chaque jour ma liste de questions s'allonge. Que ferais-tu une fois devenu le roi? La question est ouverte 7 sur 7. J'ai même pas qui je suis, mais ce qui est sûr c'est que je ressens pas à celui que je vois devant le miroir. Je demande à la poussière comme John Fante. Jeune enfanté dans le désert, je bois dans chaque fontaine. Parmi les zonards qui font de la zik, naturaliste comme Zola, rattrapé par le fantastique. Le cordon de la capuche serré, parfois je me surprends à penser comme un bandit influencé par ma bande. Je sais très bien que je ne ferai aucun cambriolage, mais j'ai des valeurs que je ne céderai pour aucun prix au lâche. Incompris comme un roumain, blessé dans son estime. Je vois ma vie comme un roman, j'essaye de soigner le style et je veux le titre. Puisqu'on meurt au moins, y'aura pas de dérogation. Mais le point final est un point d'interrogation. Un jour on est en bas, le lendemain on s'élève. Trop de questionnements, mon âme est scellée. Phénoménal comme l'armée céleste. On va rendre nos ennemis célèbres. Un jour on est en bas, le lendemain on s'élève. Trop de questionnements, mon âme est scellée. Phénoménal comme l'armée céleste. On va rendre nos ennemis célèbres, on célèbre, on va rendre nos ennemis célèbres, on célèbre, on va rendre nos ennemis célèbres, on célèbre, on va rendre nos ennemis célèbres, flingue du feu, on va rendre nos ennemis célèbres.